بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد On commence aujourd'hui inshallah ta'ala un nouveau sous-chapitre l'auteur qui dit ou on va voir aujourd'hui un nouveau sous-chapitre l'auteur qui dit rahimahullah باب العيوب في النكاح Le sous-chapitre concernant les défauts dans le mariage. Ce qui est voulu par les défauts, ce sont les manquements, que ce soit dans la raison, ou alors les manquements physiques, qu'un des deux époux peut avoir, et qui va être un obstacle à ce qui est voulu par le mariage. Et en réalité, ces obstacles ou ces éléments, ces défauts se divisent en deux. Le premier groupe, ce n'est pas la présence d'un défaut, mais c'est l'absence d'une perfection. C'est l'absence d'une perfection. Un homme a un bon comportement avec son épouse, une bonne pratique religieuse, mais il n'a pas un défaut physique, mais ça aurait pu être mieux. Il n'a pas un bras cassé, ou il n'a pas une jambe en moins, ou il n'a pas, comment dire, quelques défauts apparents, comme l'auteur va le citer, Inch'Allah ta'ala, celui qui est impuissant, par exemple. Il n'est pas impuissant, mais on peut faire mieux. Du moins, il y a mieux. Alors, à partir de là, la femme qui a un époux comme tel, on ne peut pas dire qu'elle a le choix d'annuler le mariage ou pas. Et même chose pour l'homme, on ne peut pas lui dire donc tu as le choix d'annuler le mariage ou pas sous prétexte que ton épouse donc n'est pas parfaite. Car de toute façon, nous sommes tous imparfaits. Sauf, si un des deux époux avait mis telle caractéristique de perfection comme condition le jour du mariage. L'homme, il a certaines caractéristiques qu'il voit que ce sont des caractéristiques de perfection. Il les met en condition le jour du mariage. Et donc, on se marie, mais il faut qu'il y ait ça, ça, ça, ça, c'est une condition. À partir du moment où cette condition n'a pas été remplie, et que, donc, cette perfection que l'homme désirait ou que la femme désirait n'a pas été présente, là, celui qui a posé la condition a le choix d'annuler le mariage par la suite. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, là, c'est un réel défaut. C'est pas une absence de perfection, c'est un réel défaut qui est présent. À partir de là, oui, celui qui constate le défaut a la possibilité de demander l'annulation du mariage. Et donc l'auteur qui nous dit, rahimahullah, إِذَا وَجَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ عَيْبًا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ كَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَنَحْوِهَا فَلَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ Si un des deux époux constate que l'autre a un défaut dont il n'était pas au courant avant de faire le contrat de mariage. Comme la folie, un des deux est fou. Ou alors el-juzem, c'est en réalité c'est une maladie qui est comme une plaie, une grosse plaie qui va se propager sur le corps. Une grosse plaie qui va se propager sur le corps et qui va continuer comme cela jusqu'à ce que la personne meurt. Et donc la folie, el juzem, ou alors el baras, c'est la lèpre. La personne donc ne savait pas que son époux ou son épouse avait cette maladie et elle l'a constaté après le contrat de mariage. Ou autre maladie qui va dans ce sens. Alors là, la personne peut annuler le mariage. Et l'annulation du mariage se fait chez le juge musulman, auprès du juge musulman. Ça, c'est lorsqu'ils sont en désaccord. Le cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah, il dit, si les deux époux sont d'accord, alors là, il n'y a pas forcément besoin d'aller auprès du juge, ils le font entre eux. Si les deux époux sont d'accord, ils peuvent faire l'annulation du mariage entre eux. Il continue l'auteur rahimahullah, il nous dit wa idha wajadathu inninan ujila ila sana fa in madat wa huwa ala alihi falaha al fasx. Si la femme se rend compte que son homme, que son mari est impuissant. Il est impuissant, donc, c'est-à-dire l'incapacité d'avoir une érection. Wa alaykoum as-salam wa rahmatoullahi wa barakatouh. Et donc, elle se rend compte que son mari est impuissant. Alors là, on va attendre un an. Il dit l'auteur, on va attendre un an. Si les un an passent, et que l'homme est toujours dans la même situation d'impuissance, alors là, la femme a la possibilité d'annuler le mariage. Wa alaykoum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc, premièrement, barakallahu fikoum, lorsque l'auteur il nous dit, lorsque la femme se rend compte que son époux est impuissant, alors on va attendre un an. Ce qui est voulu ici, c'est un an depuis quand ? Depuis le mariage ? Ou depuis le moment où la femme elle a découvert qu'il était impuissant ? Ce qui est voulu ici, c'est depuis le moment où le juge a déterminé cela. Ça veut dire qu'elle s'est mariée avec lui. Ensuite, ils ne se sont pas encore rencontrés. Ils sont mariés, mais ils ne se sont toujours pas rencontrés. Puis, quelques mois après, ils se rencontrent. Et quand ils se rencontrent, elle constate qu'il est impuissant. Elle a constaté. Ensuite, elle fait la demande, elle va se plaindre auprès du tribunal musulman. Et 3 mois après, le juge qui rencontre l'homme, et qui lui demande donc s'il est impuissant, l'homme qui affirme, oui, je n'avais pas ce problème, mais là maintenant, je ne sais pas pourquoi, je suis touché par cela, etc. À partir de là, on commence le décompte. Un an. À partir de là, on commence le décompte. Si au bout de un an, l'homme est toujours dans cette même situation, alors là, la femme, elle a la possibilité d'annuler le contrat de mariage. Et lorsqu'on dit un an, est-ce que c'est de janvier à janvier ? Non, lorsque c'est un an, c'est-à-dire, ce qu'on prend en compte ici, c'est l'année lunaire. On prend en compte l'année lunaire, parce que c'est elle qui est prise en compte dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit clairement dans son livre, « Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'a wal-qamara noura » وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. Il est celui qui a fait du soleil une source de chaleur et de lumière. Et il a fait de la lune une lumière. Et l'a déterminé, et lui a déterminé, c'est-à-dire à la lune, il lui a déterminé plusieurs stations afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul. Voyez. Et donc, comment on calcule le nombre des années? Avec les déplacements de la Lune. Avec, donc, le mouvement de la Lune. Ensuite, quelle est la preuve, barakallahu fikoum, de cela, le fait de dire que l'homme, il doit attendre un an? En réalité, il n'y a pas de preuve dans le Coran ou la Sunna. Il n'y a pas un verset ou un hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que l'homme doit attendre un an. Par contre, il a été rapporté, comme dans le Moussannaf d'Abd al-Razzaq, que Omar, radiallahu anhu, il a jugé une affaire comme cela. Ainsi, elle mourira. Et d'autres parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les savants, ils se basent sur cela. Pourquoi? Parce que la parole du compagnon est une preuve, tant que celle-ci ne contredit pas les textes. Sauf que ici, il est possible que ce sont des compagnons qui ont fait un effort de dans la jurisprudence pour émettre un jugement, comme il est possible que non, ce n'est pas un effort, mais c'est la législation qui est comme ça. À partir de là, donc, les savants, ils se basent donc sur ces fatwas qui ont été rapportés, ces fatwas ainsi que ces jugements qui ont été rapportés des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants ont abordé le sujet, mais pourquoi attendre un an? Ils disent, afin que cet homme qui est en situation d'impuissance, afin qu'il puisse passer par les diverses saisons de l'année. Il se peut que durant l'été, il fait trop chaud, et donc ça a un effet sur son corps qui fait qu'il n'arrive pas à avoir la force donc de faire un rapport. Donc on attend, il faut qu'il passe à une autre période, période de l'année. L'automne peut-être, ainsi de suite, et les autres périodes. Et donc en fait, ce qui est voulu, c'est qu'il soit passé par les quatre saisons, et afin donc de voir si le problème peut être résolu ou pas. Ou parfois certains savants disent que en fonction des saisons, la journée va être plus longue ou moins longue, peut-être que ça a un effet sur lui, etc., etc., etc. Al-Muhim, au bout d'un an, l'homme est toujours dans cette situation d'impuissance, la femme, elle peut annuler le mariage. Taïb, si pendant les un an, l'homme a eu des passages durant lesquels il a eu des rapports avec elle. Il y a eu certains passages, certains moments où il avait la capacité d'avoir des rapports. Peut-être 3 rapports dans l'année. On donne un exemple. Est-ce que là, cette femme, elle a toujours la possibilité d'annuler le mariage ou pas? Certains savants donc voient que non, puisque là, c'est la preuve qu'il n'est pas impuissant. D'autres savants vont dire, oui, elle a encore la possibilité d'annuler le mariage. Pourquoi? Parce que là, c'est une impuissance qui est partielle. C'est une impuissance qui est partielle. Elle, si elle voit que c'est trop pour elle, et qu'elle a besoin de plus de rapports que cela, alors oui, elle a la possibilité d'annuler le mariage. Et même chose si elle trouve que son époux donc ne peut pas enfanter. Il ne peut pas avoir d'enfant. Alors là, elle a la possibilité aussi d'annuler le mariage. L'auteur qui nous dit rahimahullah, wa idha waqa'a al-fasru qabla ad-dukhul fala mahr. Si l'annulation du mariage se fait avant ad-dukhul, c'est-à-dire avant le rapport, donc l'homme s'est marié avec elle et il n'a pas encore eu de rapport avec elle, mais il constate un problème, alors à ce moment-là, il annule le mariage. Si l'annulation du mariage se fait avant le rapport, alors là, la femme n'a pas de dot. Elle n'a pas de dot. Taïb, ici l'auteur n'a pas précisé un sujet. C'est si, ou du moins peut-être que sa parole elle est générale, et ça va être le mazhab Hanbali, c'est-à-dire que si c'est la femme qui constate que l'homme a un défaut avant donc le rapport. Si c'est la femme qui constate que l'homme a un défaut avant le rapport. Alors là, dans le madhhab Hanbalite, ils disent que là, cette femme, elle n'a toujours pas la dot. Mais la vie le plus juste, barakallahu fikoum, c'est que oui, là, elle a la moitié de la dot. Elle a constaté que son mari a un défaut. Ici, un défaut, c'est un défaut qui va empêcher ce qui est voulu par le mariage, comme les péchés, comme les défauts qui ont été cités précédemment. Un homme qui ne peut pas avoir d'enfant, un homme qui ne peut pas avoir de rapport, ou un homme qui a un défaut physique qui fait que ça va éloigner la femme d'elle, éloigner la femme de lui, etc., etc., etc. Et donc, tout cela, la femme, elle a la possibilité de donc d'annuler le mariage. Maintenant, la femme, elle constate cela avant le rapport. L'avis le plus juste est que cette femme, elle a toujours droit à la moitié de la dot. Comme c'est le cas de la femme divorcée. Une femme qui se marie. Et donc là, il n'y a pas une annulation de mariage, mais il y a un divorce avant la consommation. Alors là, cette femme divorcée, elle aura la moitié de la dot. Comme Allah Azza wa Jalla nous dit dans son livre, wa in talaqatumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida fa nisfu ma faradtum. Et lorsque vous divorcez des épouses, des femmes, avant de les avoir touchées, donc c'est avant le rapport, alors que vous avez déterminé une dot, alors la moitié, donc elles ont la moitié de ce que vous avez déterminé. Elles ont la moitié. Donc à partir du moment où cette femme, elle a constaté un défaut chez son mari, donc un défaut qui permet l'annulation du mariage, c'est pas n'importe quel défaut. Bon, je répète, un défaut qui permet l'annulation du mariage. À partir de là, donc, cette femme, elle aura la moitié de la dot. Toyib, les savants, ils nous disent, par contre, après, le cheikh, il nous dit, وَبَعْدَهُ يَسْتَقِرْ. C'est-à-dire, après le rapport, si l'homme, il constate ce défaut, ce manquement, ce défaut chez son épouse, après avoir eu le rapport, et qu'il veut annuler le mariage, alors, elle garde la dot. Elle garde sa dot. Après le rapport, elle garde la dot. Il ne peut pas la récupérer. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, wa yarji'u zawju ala man gharrahu. Et l'époux revient vers celui qui l'a trompé. C'est-à-dire, celui qui l'a trompé. Cette femme, par exemple, hein, on prend un exemple, on cite que ici le défaut il va être chez la femme, par exemple. La femme, elle a un défaut. Exemple, on va dire que elle ne peut pas avoir de rapport. Une femme, elle a une maladie qui fait qu'elle ne peut avoir des rapports que très rarement, une fois tous les 3 mois, par exemple. Elle était au courant de sa maladie, son tuteur était au courant de la maladie, mais aucun des deux n'a informé l'époux de cela. Il s'est marié, il a constaté le problème, au final, elle garde sa dot, parce que soit cela a été constaté après le premier rapport, et donc, à partir de là, elle garde sa dot, mais lui, il peut revenir vers le tuteur de cette femme pour demander que celui-ci donne une compensation ou rembourse la dot qu'il a payée. Parce qu'ici, il a subi une injustice. Là, vous m'avez fait payer alors que, en réalité, vous saviez que la femme, elle avait un défaut. Maintenant, si le tuteur n'était pas au courant, c'est la femme elle-même. Et donc là, l'époux, il revient vers la personne qui l'a trompé. S'il y en a, car il se peut qu'il n'y en ait pas, que personne ne l'ait trompé. Il se peut que la femme, elle-même, n'était pas au courant de sa maladie. Elle n'a jamais été mariée. Elle n'a pas connu de rapport. Et donc, elle n'est pas au courant de la maladie qu'elle a. Son tuteur non plus. Et donc là, personne ne l'a trompé. Personne n'a trompé l'homme. Si l'homme, il vient nous voir pour nous dire, oui, mais mon argent alors, la dot, elle était de 5000 euros, une dot de 10000 euros. Le mariage, il a duré 2 semaines. On va lui dire, c'est une épreuve qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est une épreuve par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala t'a éprouvé. Parce que là, la sœur, elle ne t'a pas fait injustice. Le père non plus, il ne t'a pas fait injustice. Il n'était pas au courant de la maladie. Il y a eu un rapport. La sœur, elle garde sa dot. Elle garde sa dot. Et donc, nous, on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et on commence demain, inshallah ta'ala, kitabu as-sadaq. Donc ici, le chapitre de la dot. Le chapitre de la dot. Inshallah ta'ala, waffaqallahu al-jami' لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا